MRGROL. Premier pas. Je m'introduis en finesse, comme le Valdon Jackson Curtis. Laisse aucune chance aux acariens, comme la marque d'inspirateur Curtis. Je reste crête dans ma connexion, dans la force de mon écriture. Sans très pur son, ma c'est de quoi remplacer Charlie Lee Couture. J'aimerais être comme un connard, à fumer de la buzz incontrôlable. Du matin au soir, fatal comme la mort des Bratislava. Parfois, je transcris dans mes écrits mon côté lunatique. Depuis que certains l'ont appris, je suis devenu public ennemi. Pas encore dans les bacs, car toujours en préparation. Reste un mystère, vous découvrirez notre rituel et son évolution. Des fois, je peux rester cynique ou ça, du casqué. Les choses se compliquent, j'appelle mon rouille avec qui je marche en tandem. J'ai l'expression directe et sans tabou. Parfois aux mains tu une furie, mais je respecte même ceux qui m'appellent Lily pour faire leur cacou. Donc sniper des temps modernes avec le hip-hop comme cible. L'art de rue, j'y mettrai jamais un terme. Là non c'est impossible, un round n'est pas assez pour qu'avec ma mafia tressée le bilan en un syllabe de temps puisse le faire sans se méfier. J'suis Redman mais pas un as, donc j'termine texte par user. Si dédicace n'a grand la confrérie, mais pas des losers. J'arrive hardcore comme Kerry, contestataire comme Kenny. J'suis vrai comme Clint Larry, sans être ghetto comme Penny. Snassel, ça ne sert à rien, j'habite pas une cité. Rester sincère, pour moi c'est une nécessité. J'm'infiltre dans le peura comme le rat, j'suis le contraire de Wira. J'fume le mal jusqu'au filtre, on me dit tu le fuiras. Quand faudra faire les kamikazes, négocie le kamigaz. J'appelle pas la crimo pour qu'il me prête son moligaz. J'ai le buzz à réflexe comme Rof, j'écris ma rage sur soi. J'ai l'inspire même quand j'dors, parfois c'est réveillant sur saut. J'suis ambitieux comme Saphir, rapper c'est tout ce que j'sais faire. Seigneur El Khalif Saphir, mais quand il écrit il s'enferme. Stup comme Shilom, j'suis l'homme au flow toxique. Car Romando ça mitraille et je suis cisaille comme Zoxy. J'suis explicite comme un samouraï qui sort son munchaku. J'attends le jour où 50 ira rejoindre son pote Chaku. J'écoute du son à l'ancienne comme une cassette de face. J'écoute du peu connu, carrage comme cassé de face. J'veux marquer l'essai, gravir l'échelle comme l'ont fait TSR. Me compare pas à un bolos qui stole lors de son BSR. Y'a pas un jour sans que j'écoute Sak et Zaka. Quand il défraie la chronique, c'est un sacré saccage. Si ça parle mal, c'est que ça vient de MC Jean Gabin. La confrérie, microclimat, je ne côtoie que des gars bien.